excuse-moi mon pote, si tu me vois chialer, je me remémorais le passé. Alors qu'à la télé, les dessins animés vivaient pleinement leur apogée. T'avais Nicky Larson, nettoyeur et dragueur, qui se prenait des coups de masse dans la gueule. Et puis Dragon Ball Z, qui se tapait dessus, avec des caméas en plein dans le cul. Ce temps, quand j'y songe, me semble bien loin, il est parti en train. Le TGV Télérama l'a emmené dans le camp, concentration d'émission. Télérama à la con. Te souviens-tu, mon pote, du club Dorothée, soi-disant l'émission pour bébé? Quand on voit en ce moment ce qui se passe maintenant, ça me paraît plus mongol qu'avant. À l'époque de Dorothée, s'il passait Popstar, ça n'aurait même pas duré un soir. Et puis je parle même pas du cas de Love Story qui aurait même pas passé la nuit. Journaleuse assassin, c'est vrai qu'il y avait un peu de violence dans les animes. Mais c'était pas tous comme ça, il y en a qui avaient des sentiments furibonds. Télérama à la con. Moi je remarque une chose, c'est qu'on a beaucoup de séries extrêmement douces et agréables qui sont dans le peloton de tête. Oui, c'est vrai que c'est hyper violent aussi, hein, Georgie. Raconte-moi, mon pote, ce que tu peux m'expliquer pourquoi on est dans un monde de PD. Où les pseudo-intellectuels sont des fachos mafieux qui veulent nous bander les yeux. Face à la vérité, ils préfèrent tout planquer pour gagner des euros par milliers. T'as des tas de chômeurs en France, mais ce qu'il faudrait virer, c'est les journaleux de ce papier. Maintenant, le club Dorothée, c'est presque oublié, alors faudra y penser. Pourquoi on est gouverné par une bande de pions amoureux du pognon? Télérama à la con. Télérama à la con.